بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 15e leçon, 3e partie. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Aujourd'hui, الثالث كذا أول الأول إذا سألني المدير عنك ماذا أقول لك؟ Si le directeur m'interroge à ton sujet, qu'est-ce que je lui dis? عندك الأول. إذا سألني المدير عنك فماذا أقول له؟ نعم. بقول فه. الاستفهام. الاستفهام. يدرس في الجامعة الإسلامية طلاب الجامعة أحد عالم. العالم. فمن درس فيها كأنما درس في جامعات كثيرة. Donc dans la université islamique il y a beaucoup d'élèves qui étudient de différentes directions du monde entier, différents coins du monde. Donc celui qui enseigne là-bas, c'est comme s'il enseignait dans plein de universités. Il a. Ça veut dire achat. من يقول هذا الكلام إنه جاهل. Celui qui dit telle parole, il est un ignorant. من يقول هذا الكلام إنه جاهل. نعم. لماذا الفاء؟ جملة اسمية. فمن عشر. ما تزرع تحصل. Ce que tu cultives, tu récoltes. هناك ما فعل يعني ما فهمت. ما فهمت إيش؟ قلت لك ما تزرع تحصد. من يستغفر الله يغفر له. Celui qui demande pardon à Allah, Allah lui pardonne. فيغفر له. لماذا؟ لأن في جملة فعلية. وإيش؟ ما فيش ما فيش. طيب الثالث. تعين عدد شرط وجوابه. وشرط. وإذا فيه فعل ما فعل. تفضل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من هذا الشرط. ومن يتق الله هذا شرط. يتقي. من يتقي. شرط. يتقي شرط وجواب الشرط يجعل. سوي كرام الله. Lui donne l'issue. Fanian. Yatim minkum ashrun sabirun yaghdibu mi'atayn. In hafid shart. Naam. Yakun shart. Naam. Wa yaghdibu jawab shart. Naam. S'il y a 20 patients parmi vous, ils vaincront 200. وهذا كذلك هذا سبب من الكفر تقول لك كثرة الكثرة لا كونتيتي لا سي با بروف des victoires de vérité. Quand les gens sont plus nombreux, c'est pas une preuve du tout. Certains qui ont des preuves, qui patientent et qui connaissent, peuvent en faire tomber un bien grand nombre, mais est-il là. Sur ces nombreuses moitiés. Salifan. من أداة الشرط والشرط التطوع وجواب الشرط هو خير لماذا الفاء؟ جملة اسمية جملة اسمية قال عليه الصلاة والسلام من أدرك رقة من صلاتي فقد أدرك الصلاة من اسمه شرط أدرك شرط ثم فقد أدرك جواب الشرط هنا في قد نعم celui qui rattrape une rakat de la salat a fait rattraper la salat. خامسا من حمل علينا سلاح فليس منا من أداة الشرط حمل شرط فليس منا فليس جواب الشرط في Non, celui qui lève l'arbre contre nous, alors tu fais partie de nous. Ça dit ça. Qala alayhi salatu wa salam, man qutila duna mali fa huwa shahid. Man ismu shart, qutila shart, fa huwa shahid. Jawab shart, liana jumla shahidiyya. Donc il dit celui qui se fait tuer en défendant, on va dire c'est bien, alors il est martyr. Pourquoi en fait? Celui qui se fait tuer pour ses biens, c'est un shahid. Il a sa rad à Mohammed al-Imam qui ne voyait pas, et tous ma chère qui sont au Yémen, qui ne voyait pas le djihad ici, soi-disant. Alors qu'à la base, comme tout le monde sait, c'est le genre des mèches qui ont été attaqués par les Rawafid. Ce hadith parmi les preuves qui démontrent que ce djihad était légiféré et qu'on espère pour nos frères qu'ils soient parmi ceux qui rendent ce hadith, pour d'autres preuves encore, car c'est nous qui avons été attaqués, c'est nous qui nous sommes défendus. Voilà, ça. Non. Ça va bien. من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني أما أنا أداة الشرط أعطاني شرط فقد أطاع جواب شرط يقترن بقد من الثاني جواب شرط وجواب شرط فقد عصى أما الثالث أداة شرط يطيع شرط وجواب شرط فقد أعطاني فقد عصى فقد جواب خزيم لا نعم فقد أعطاني ومن شرط يعصي شرط وجواب شرط فقد عصاني نعم celui qui obéit à certains obéit à Allah et celui qui désobéit aura sa désobéit à Allah et celui qui obéit au gouverneur ou au commandeur aura certains obéit et celui qui désobéit au commandeur c'est un gouverneur des musulmans quand même aura sa désobéit. Et ça aussi, c'est un rôle sur les Khawarij, où les gens qu'on voit actuellement, là, qui sont tout plein de gouverneurs, le gouverneur, le gouverneur, sont des gens qui veulent appliquer la sunna, la charia, ils veulent appliquer une chose noble en apparence, en commettant un acte blâmable. D'ailleurs, Chir a cité le Afa de Akbar hier, où il disait quoi? Que tant je suis au milieu de vous, que je guide, que je vous ordonne par le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, obéissez-moi. Et si jamais, genre, je délaisse cela, alors vous êtes en droit de, dans le marat, tu vois, de me faire désister de ma place. Et eux, ceux qui veulent la révolution, là, les Sawar, ils prennent le Asar, celui-là, et ils laissent tous les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont trouvé un truc qui leur convient. Le Cheikh, il a dit déjà, dans le Sanad, que ce Asar, quand les filles n'en voient, il faut revoir le Sanad. Deuxièmement, le Cheikh, il voit qu'elle sépare ta wadwa par humilité. Ce qu'il a dit, c'est pour lui. Il n'a pas dit ça avec tous les gouverneurs derrière lui. Que si demain un gouverneur il vient et vous et il désobéit au Kitab wa Sunna, que vous devez le dégager. D'ailleurs, Abubakar Kazalik, il a dit qu'il avait peur de délaisser des choses que le prophète Mohammed faisait, par peur de dévier. Pourquoi il ne peut pas se faire là aussi? Parce que tu lui vois son rasoir, pantalon, télévision, tout. Bah, Abubakar, il a dit qu'il a peur de dévier. S'il laisse une sunna, il ne parle même pas de choses obligatoires, une sunna. Et lui, tu les vois, il khalaf, je ne sais pas quoi, une sunna. Il prend Abubakar quand ils veulent, et quand ils veulent, ils le délaissent. Ils vont dire, non, mustahab. C'est pas où elle s'est mise, on va dire, mustahab. Après, ils disent quoi, c'est pareil. Quand tu les vois rentrer dans le petit rabat des élections, ils disent, ouais, il y a dit, tartalité asminin, ouais, c'est américain. Le temps, les lieux, ils changent. Maintenant, c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est le bon nouveau moyen qu'on emploie pour mettre un gouverneur, on va utiliser. Là, tu dis là, ça compte, ah, ça est en bas, là, maintenant. En allant voter, là, peut désobéir Allah, directement. Tu ne t'attends pas à avoir un gouverneur qui aura la baraka dedans. Tu veux mettre un gouverneur, soi-disant pour mettre quel met en bas et le relire, et tu commences déjà par le marsia. Ça, c'est du hawa. Tout ça, c'est du hawa. Là, on le voit. Sallallahu alayhi wa sallam, le mot. Faminan. Andak. Faminan, qala alayhi salatu wassalam, man akala min hadhihi shajarati, فلا يقربنا من اسم شرط أكل شرط فلا يقربنا جواب شرط لنا في دم أمر نهي لا نهي على الطلب celui qui mange de cet arbre, on va dire cette plante, qui ne nous approche pas. C'est quelle plante? Il y a Thorn, mais également il y a. Le Bassol. Il y a Bassol, mais également il y a. Poireau. Et parmi les choses qui aident à enlever l'odeur de ces aliments, le persil. Manger du persil, ça peut enlever. Tu peux brosser d'eau tant que tu veux. Hein. L'odeur, elle est dans le jaw. Elle est dans l'estomac. Brosser les dents, ça ne va pas servir à grand chose. Il y a un truc qui aide beaucoup à enlever l'odeur, c'est le bogdan, le persil. Dans le persil cru, ça va réduire, si ce n'est même, enlever l'odeur de celui qui a mangé ces plantes. Et c'est pas interdit d'en manger. Ce qui est interdit, c'est de faire exprès en manger pour pas aller à la salade. Maintenant, il y a un plat, il y a du bassol dedans ou quoi, et t'as faim, tu manges. C'est comme la salade. Même si c'est comme le salade, qu'ils aient. On dirait le ta'am, si la voiture vient avec les commandes qui étaient faites et que le ta'am est prêt, tu prends le ta'am. Il y a du bossa dedans, tu dis non, je mange pas. Tu manges, comme dans la bouche à part. Toi, tant que tu peux, t'évites pour pas rater la salade, mais sinon, si c'est là, c'est là. Ou même des fois, t'en as besoin pour aller l'edge. C'est un fond. Il y a beaucoup de propriétés dans le somme ou le bossa en guise de remède. Ce qu'il faut, c'est éviter de faire exprès de manger du bossa comme tu dis, ah, j'ai mangé du bossa. Je ne sais pas. Ça c'est haram. Tasi'an. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Adat shart man kana shart. Man kana shart. Wa jawab shart falyaqul ou l'yasmout. Là, c'est juste faliakoul. L'yasmout, ça c'est le martouf. Et bien, ça le fait Fali, il a un celui qui croit en Allah au jour dernier, dise du bien ou qu'il se taise. Qala alayhi salatu wa salam, man ra'a منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من اسم شرط ورأى شرط فليغير فيغيره اسم شرط الجواب جواب الشرط وبسبب لم الآن ثم فإن حرف الشرط لم يستطع الشرط فبلساني جواب الشرط لأن جملة لا جملة اسمية فإن لم يستطع إن حرف شرط لم يستطع شرط فبرقبي جواب شرط وبسبب جملة اسمية وبتوش وفي اسمية ركبت المعظوف فليكن بقلبي يعني فليغير بلسانه فليغير بقلبي تقدير في المعظوف شو mais c'est pareil, il y a un lème et un lème. C'est là, c'est comme tu as dit, c'est ça. Ah, c'est priorité le mot. C'est ça qui est le mot. C'est comme ça, d'ailleurs. Donc le fabilisani, c'est pas le. Jarocha. Si, c'est le Jarocha. Ah, c'est ça. C'est même le talon. Donc celui parmi vous qui voit un mal, alors qu'il échange de sa mort. Et s'il ne peut pas, alors par sa langue, et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et cela est le plus bas niveau de la foi. La hadith, si tu l'appliques, mon frère, tu ne vas pas avoir beaucoup d'amis. Tu l'appliques comme il faut, tu ne vas pas avoir beaucoup de gens qui vont t'aider. Franchement. À part quand tu seras mort. Ah, ce frère-là, alors, papa, Alik, quand il est le bon cœur, quand tu es vivant, quand tu es dans Siha aussi, tu étais bien mis en colère contre lui, hein. Quand il est dans Siha, tu acceptais pas maintenant qu'il est mort. Ah, ce frère-là, machallah. Parce qu'un point de nasiha, c'est pas un bouquin parce qu'on est mort, tu le ventes. C'est au moment où tu fais un bouquin, quelqu'un te dit ça, ce que tu fais, c'est pas bien, il donne un tilé ou quoi. Tu vois, t'acceptes. Tu combats tout, tu jettes tout, j'ai une nafsak, tu combats ton nef. Hein. Et ça, un bilan, tu délaisses ce mal et tu remercies le frère. Ah, mais aujourd'hui, Harry, t'as que la main, je suis ta khalak. Pourquoi tu te mêles? Manamta, tu chéris l'islam. T'as qu'à l'âme, qu'à l'âme, qu'à il dit toi aussi tu fais des péchés. Oui, peut-être tu fais des péchés, sûrement. Mais ce que tu fais là, c'est haram. Moi, je ne comprends pas. Oui, il me dit ouais, ben la colère au fil, genre, il dégage. Ou alors, ils vont se soulever, comme ils font chez Aria, ils vont soulever leur lame contre toi. Mais là, ils vont se trouver des erreurs, écouter des paroles. Ouais, pourquoi parce que t'as. Parce que Cher, il a viré l'Adani, il a fait le four dans son marquise. Alors, classe, on ne veut pas. L'Adani, on veut qu'il reste. On veut même celui qui contrôle la Darou Yémen, parce qu'il est sous nos mains. Et bien, la Hadjuli, on va le démonter. Voilà. D'ailleurs pour Aliyat. Parce que Ahyanan Tajid Ashia Haram, Muharram, c'est le Qat, Pédouhan, truc, il y a un paquet. Parce que maintenant, il est besoin de parler, tu vas parler, mais tu n'écoutes pas. Est-ce que maintenant tu peux prendre son paquet ou son truc et tu le brûles et tu le mets dans un endroit et tu le jettes? Il y a un bon cas, bah écoute, il y a un cas, mais il y a un cas. Quand tu fais un bunker, quand tu fais une réaction du blabal, quand tu fais un plus bas même, tu as un plus grand mal. Essaye de faire ça avec les gens là pour leur parler, tu vas faire se passer. Donc là, tu es obligé, il m'a ses lycènes. Allez, moi. Il m'a tout tu. Non, si tu connais, c'est que tu n'es pas énervé ou quoi, c'est toi, hein, comme tu connais, c'est que tu pourras gérer. Prends son paquet de cigarettes, tu le déchires. Mais si quelqu'un que tu connais pas, ou si tu as des awam là, ou je sais pas quoi là. Ben, tu as les résultats, quoi. Tu le prends sur quoi, mon frère? Je trouve qu'il s'en devient bien. Parce que là, par exemple, maintenant, un exemple. Là, nous, on est tous là. Mm. Maintenant, toi, tu as fait une siha, par exemple, à ton voisin, il fume. Ouais. Continue. Moi, je sais que toi, tu lui as fait une siha. Nous, on le sait. Parce que je veux dire, est-ce que après, parce que ça va être quoi sur lui? Non, tu continues. Si après tu vois un truc où tu vois comment t'as le droit de le. Déjà tu l'as fait nasaha, il ne veut pas écouter. Ah ouais, tu le laisses après. Après tu le laisses, mais tu vois, Inch'Allah, t'as fait ton. Ah ouais, tu vois, t'as pas dû le faire nasaha à chaque fois que tu le vois. Parce que le moment où le commentaire quotidien a été fait, il a su quoi. Même une fois ou deux, ça suffit. Faut que je le fasse à chaque fois. Non, tu le fais à chaque fois toi. Et tu penses que tu auras des résultats, tu fais un chante avec lui ou quoi. Ça, c'est... ça dépend des gens, les gens diffèrent. T'en as au bout d'un moment, ça marche. T'en as, tu peux faire ce que tu veux. Ça marche pas et t'en as du premier coup, ça marche. Ça dépend de son humain à lui, ça dépend de ton fils qu'elle a lui accordé. Voyez, Hadi Asha. المريض يجب مرا به الماء زلال Il dit quoi? Que celui qui est malade et qui a un goût amer dans la bouche, que même s'il boit de l'eau pure, c'est toi l'aura un goût amer. Hein? Et ça, tu peux l'appliquer avec des gens, par exemple, qui ont le cœur malade, le maftoul. Comme ils sont malades, donc tu as la vérité sera amère pour lui. Il ne va pas aimer. Parce que déjà, à la base, lui, il est contaminé, tu vois. Donc, je lui apporte un truc, une vérité ou quoi, il ne va pas accepter. C'est quand même malade. Il a la bouche amère, quoi, tu te tiens un verre d'eau. De la bonne eau bien, notre source machin la bien fraîche, ah c'est insupportable pour lui. C'est amer. Eh ben, dans ce truc c'est pareil. Tu vas le voir, le cœur malade, tu lui apportes une vérité, ben, la vérité dans son cœur va retourner, c'est une autre version quoi, il va pas supporter. Il ne voudra pas accepter. Même avec le short, طيب حتى عشر أمثلة للشرط والجواب على أن يكون الجواب في كل واحد منها على النحو التالي أولا جملة اسمية من قتل في سبيل الله فهو شهيد نعم في الكتويت في سبيل الله لمغتية ثانيا فعلا تربيا للأمر مهما تفعل فاتق الله فيه Quoi que tu fasses, ça craint Allah dedans. Thalithan, fi'alan talabiyan et nahi. Man yushrik billah la yadkhul jannah. La. Hada la nafi. Wa huwa nahi. Man qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yakun khayran. Hada am. Lam am. Tu nahi. Là, c'est pour faire un film. Ah, c'est un œil. Oui. Ah, ben, j'ai pas mis un œil tout à l'heure. Là, c'est pas un œil, c'est un nafi. Dans ta phrase, c'est pas un nafi, c'est un nafi. In tuhib al-haq, la tamshi ma ahl al-bati. Fa la tamshi ma ahl al-bati. نعم شو بالمعنى ما مش بكل شيء فوق رابعا فعلا طلبيا استفهام إن يأتي الضيوف قبل الموعد فماذا أستعد لهم لا استعادة سكرتها يصور أيوة ماذا أقدم لهم مثلا عدد قدم لهم لا قدر sinon préparer c'est نعم Si les invités viennent tôt, alors qu'est-ce que je leur présente ou leur prépare Khamisan, Mouktal Ledad bi, Led. Inna uddu ni'matullahi alayna falan nahsuha. Si nous continuons le fait d'Allah sur nous, nous pourrons le dénombrer. Sadisan, Mouktal Ledad bi, ma, nafia. مهما تقول ما أسمع. وقت تدي je t'écoute pas. Et la fin. فما أسمع. أيوه. وقت تدي بسوفا. إن تقتل واحد فسوف. واحدا. واحدا فسوف تحزن. هو. فسوف تحزن. Hitler, quand même. Je suis quelqu'un, je vais être triste. Donne Sarkozy, je serais tellement heureux. Tu me donnes Jean-Marie Le Pen, je suis tellement heureux. Tu me donnes Obama, je suis tellement heureux. C'est pour faire haq al-muslim. Tu me donnes Rafidi, je suis tellement heureux. Avec plaisir, je le tue. C'est juste, ouais, je sais pas. Si c'est quelqu'un comme l'had alayhi, un zani, par exemple, ou un murtad, ou quelqu'un qui a fait un. Arafat. Hein? Arafat. Arafat. Le Yémen, non. Ah, mais je lui ai pas offert, il faut le tuer. Ah ouais? Ah, c'est pas pour tête, c'est un muslim. Ah, c'est un khabi, c'est un fasiq, c'est un hizbi, c'est un tarben. Mm. Ah, mais pour tête, il est pas seul, il faut le tuer lui. Voilà, je parle. Là, voilà. Là, mon cas, c'était. Sinon, je vais dire un truc de fatou, si vous le trouvez, tuez-le. Là, c'était quoi, mon cas? C'était. C'est ça que je voulais avoir. Ah ouais, mais c'est vrai, quand il y a. Attention, là, comme ça, quelqu'un me dit ah non. Ouais. Il y a des gens, je suis heureux de les tuer, moi. Mm. Je les prends, je les gorge. Mm. Je dis Allah Akbar, bismillah Allah Akbar, je les gorge. C'est incroyable. Ok, il y a plein de fraises, alors bien tu dis koufar aussi, je te le dis. Oui, mais. Dans les règles chalaïa, attends, non, c'est pas non plus au fond d'autre, je viens dans la rue, j'en prends un, il parle après, je le tue. Je parle pas vraiment des ardins, ceux qu'il faut obligatoirement tuer. Par exemple, ceux qui ont insulté Allah et son messager, après celui-là, la tête est saute. Mais on se calme, il y a des règles. T'as vu, avant de faire un truc comme ça, tu veux te faire toi d'abord, Tabarane. Hein. Là, on parle entre nous comme ça. Et, c'est pas, tu viens et t'appliques ça sur n'importe qui, n'importe comment. Fabinan, Moukhtalinan Bissin. Intashtaril, Jayidan, Fasamantik, Mazidan, Al-Ajoudjoua. Si tu fais bien le travail, je te donnerai un surplus dans ton salaire, c'est ça? Ouais, c'est comme ça. Ouais, Inch'Allah, t'as un bon patron, toi. T'as Sian, Fianan, Diabidan. In Tukad Vib, Falaïsa Bilbir. Minelbir. Minelbir. T'as un Tukad Vib ou Tukad Vib? Tukad Vib. Tu mens. Non. Tukad Vib. Tukad Vib. Ça va se démentir, parce que c'est quelqu'un de menteur. Parce que c'est quelqu'un de rabat, mais Tukad Vib. Je crois pas. C'est ça qu'est Kadhaba, Yukadhibo. Un Kadhaba, c'est mentir en soi, soi-même. Arachiran. Mais j'ai pas compris le fort, quoi. Yukadhib, c'est quoi? C'est démentir la personne. C'est tu traites lui de menteur. Yukadhib, c'est toi qui mens. Comme ça, d'accord, il y a Sdoukou. T'as un Sdouk, je dis la vérité. Au sol du coup, je te crois toi. Je te rends toi véridique. T'as dit, Mokhtelina et Bikon. Non. Donc celui qui sort de sa maison comme pour agir pour aller son messager, ensuite il se fait frapper par la mort, alors sa récompense sera combat à Allah. Son maillot d'Alibro, c'est un rondement. C'est un martouf. Martouf? C'est un martouf d'après Summa. Fakad, c'est martouf. Là, le drik. Les coups montent, c'est un martouf. Majoub par l'Af, la c'est pas Jouab. Jouab, c'est quoi de Bokara? Je le vois en Allah. Ah, par l'Af. C'est bien, après tout le bain. Il est martouf du shot. Les Jouab shot, c'est quoi de Bokara? Je le vois en Allah. Martouf, Mesbourg. Il est avant. Je comprends pas, il est martouf de quoi? Il est martouf de Bandir Rouge, une Beiti, Mouajira. Ah non. Et de lui, il est martouf. Il prend après Soudma, donc il prend le meilleur lot que le verbe d'avant. Le Khamis, on est fait ensemble ou c'était pour aujourd'hui? Le Khamis. Fa'ana Ams. Le Khamis. Fa'ana ou Ams? Non, Fa'ana. Mal fort, Bouddha. Kem al-Khabariya ou Kem al-Stifhaniya? Kem al-Stifhaniya. طيب وما الفرق في المعنى بين الاستفهاميه والخبريه C'est quoi la différence dans le sens entre les deux? Al-Ula istifham wa istifham wa al-Thani wa ta'ajjub. Tambi ou ta'ajjub ou inkar. Et donc, ma yal'alamat alati tu sa'iduka la tafriq bainahuma. Et l'autre chose qui est la différence entre les deux? La Côte d'Akara. La prolongation et Arabat Tarkim. Il y en a un autre. Nam. L'intonation. Le ton que tu envoies. Oui, pour l'article, Inch'Allah. Renva Hatta. Yaqul. Manja Mutakhiran Farayat Khoul. Hatta Yasta Azina. Celui qui vient en retard, il ne rentre pas tant qu'il ne sait pas, il n'a pas demandé la permission. Huna, hatta bimana ila, mishal fujar, ila, fufidoule, à la raya, un objectif. Jusqu'à, مثلا. Il y en a hatta le ou'alat ma'ani. Il y a plusieurs sens, parmi ces sens, celui-là, ila. Fayadkhulu, hatta, fa dakhaltu hatta la ashkharaka. Donc il dit, je suis rentré, afin de ne pas te distraire. Donc là, dans cette phrase-là, « hatta » c'est dans le sens de « pour »,« ta'alil ». Et « likay la ashkhalaka ». Donc « hatta » il peut venir dans le ma'na « jusqu'à » et « ma'na » « pour ». Il y a la différence entre les deux. Par le cours de la phrase, c'est pas mal. Ou des fois, elle peut même avoir les deux sans comprendre. La phrase, tu n'arrives pas à distinguer, les deux peuvent convenir. Tu peux dire pour ou tu peux dire afin. Ma salle est cool. Qif, hatta, atawadda. Maintenant, vache, je dis, ya babak, qif, hatta, atawadda. Là, ça peut avoir deux sens, là. Je peux dire, arrête-toi pour que je fasse le dos, et arrête-toi juste à ce que je fasse le dos. Tu peux mettre les deux. Mais des fois, il y a un seul qui convient. Ent. ويقول ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن مدمرة وجوبا. Et le verbe qui vient après hatta, il va être منصوب. Il va être منصوب. منصوب par quoi? Par أن مدمرة. يعني مستطيرة. Parce que hatta c'est pas un حرف النصب en soi. ما هو حرف النصب ينصب الفعل بذاته. إنما الناصب هو أن مدمرة أي مستطيرة. لأن النواصب كما استشهد إن شاء الله منها ما تعمل بنفسها ومنها ما تعمل بأن مدمرة هكا أن كي كاشي تدي حروف النصب كي أجيز دو ألمام كم لن كم أن طيب إذا إدوخ إتنا دوخ أن نبيك با للنصب عن المام جيس بس كي أن دعيا مدمرة كي كاشي حتى في بعض دو سي نواصب كي نجيز با دو مام دوك جي با منصوب بحتى لا. مثلا في من جاء متاخرا فلا يدخل حتى يستأذن ناخذ يا رب حتى يستأذن ولا يستأذن وفي المضارع منصوب ب ان مدمرة ليس بحتى وعلامة نصب الفتحة حتى يبرر صوصا حتى سبتها حرف جر سبتها حرف حتى مطلع الفجر سلامون يا حتى مطلوع الفجر مطلوع مجرور بحتى. Il y a plusieurs sens entre حتى et plusieurs dialogues. C'est un peu, c'est vaste comme sujet. On va pas s'en faire dedans maintenant. Il veut dire اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الأفعال الواقعة بعد حتى وتعيين معنى حتى. Donc là il dit quoi? Lis les phrases suivantes en mettant la haraka correspondante et désigne, définit le sens voulu par hatta dans la phrase. Est-ce que c'est pour ou c'est jusqu'à? Je veux où là? Faddal, l'anta. Anjtaydu, yusaydu layla nahara, hatta anjaha bitaqliri montahiz. Montaz. Je suis devenu tes jours jusqu'à ce que je réussisse à une bonne note. Donc, on peut mettre les deux là. Ou pour, voilà. Je crois que pour, il est plus... Je pense que là, pour, il est plus approprié. Mais les deux, on peut dire jusqu'à ce que je réussisse. Fanien. Il te dit, hatta atwadda. Ah. Tu veux dire celui-là? C'est les deux. Les deux, tu peux mettre les deux. Mais intavir, le A c'est nadara. Intavara. Intavara, c'est pas nadara. Ça vient de al-badda nun zawara. C'est le même asla. Donc là, je pense que hatta c'est ila. Là, c'est intavir. Maintenant, je dis kif. Là, c'est attente. Tu vois? Attends, ça veut dire attends juste à ce que je fasse le mot. Donc là, je pense que le sens c'est ila. Il va en a ila. Voilà. Il a un atawadda. Madala Roya. Thalitha. Madala Roya. Jusqu'à ce que aucun d'entre vous ne croira, jusqu'à ce qu'il aide pour son cœur, qu'il aide pour lui-même. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne croira, jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son père, que son fils, son enfant du moins, que tous les gens réunis. Et t'envoies un ami qui amène le divin. Les samaran à l'azima et à wakala ou kaavir. Aza, une kamel l'imam. Il a dit l'imam l'imam à kaavir. La foi complète. Amal nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhib ghayl al nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahsan min al nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma yukalna anouan ou kaavir. Lakin l'imam da'if, naqis. Amal nabi wa, il a couvert le hadith, imam ou kaavir. Ka imam al sahaba, mazal. Amal l'yom yaakhi, a'ouzou billah. D'akul l'il shafs. النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا نعم الشيخ فلان الذي يحب الحق هذا الحديث ينطبق عليه هذا سوري كيف لي جون خي كيف فون شير وكيف سيكوبا وي اللي باقي اللي باقي نسال الله العافيه خامسا مبكرا حتى لا اتاخر لا اتاخر عن بعيد عن البعيد Non, je suis sorti de la maison tôt afin de ne pas arriver en retard au rendez-vous. Ça dit ça. قال المدير للطلاب لن أسمح لك بالحضور حتى تعتذر إلى المدرس. حتى هناك بمعنى إلى نعم إلى قال المدير directeur ديال الليف je ne te permettrai pas de rentrer ou de te présenter juste à ce que tu te sois excusé au professeur. نعم تأمل المثال ثم كون جملا على غراري مستعينا عفوا بالعبارة الآتية المثال انتظر حتى اتوضا. Donc là, on fait pareil que des phrases. La phrase que je viens de citer, avec les verbes en dessous, en utilisant hatta. Non, attends, juste parce que je m'habille. Là. Il y a dit. La phrase intavir. Intavir, hatta, ashraba, al-kahwa. Attends, juste parce que je bois le café. Attends, juste que nous écoutions les informations. Attends, juste que j'écrive la lettre. Attends, juste que qu'il revienne. Quand même. طيب يقول هاء إعلانا هاء هنا اسم فعل بمعنى خذ فاسم فعل بمعنى خذ يقول هاء الكتاب يا علي معنى خذ الكتاب يا علي هاء الكتاب يا إخوة prenez le livre ou les frères. Ha'i al-kitab ya Amina. Prends le livre. Khuzi kitab ya Amina. Wa ha'unna al-kitab ya Akhawat. Prenez le livre ou les sœurs. Huna, taro al-fork. Ha'a, ma'al-fat al-hamza. Adali al-mukhata al-mukhakar al-mufrak. Al-hamza al-madmoum. Adali al-mukhata al-mukhakar al-jab. بكثر الحمزة هائي أذالي المفردة المخاطبة وهؤنة أذالي ماذا للمخاطبات المؤنثات الجمع نتصى اسم فعل بمعنى فعل أمر مناخذ ما هو فعل وفي تنزيل هؤمو قرأوا كتابية prenez, lisez son livre. Ou mon livre, plutôt. On a le ha, là, qui était habillé. Ça, c'est un insecte. On en avait parlé il n'y a pas longtemps. Pour finir sur un. Sur un hafsaki. Juste le. Ma adraka ma'hiya, narun hamiya. Ma adraka ma'hiya. En fait, à la base, c'est hiya, damir. هي في آخر جامعة هذا سكت ما هي نفسها هذا سكت سلوك نبيضان ورأسا في مبهى طيب ثم يأتي بي كلمة كتيب كما جاء في النص مركو كتيب تصغير الكتاب طيب سلو المو ديمينوتيف دي كتاب على وز فعيل أصلا الثلاثي على وز فعيل الاسم الثلاثي تصغيره على وزن فعيل سنقلب كليل ولد وليل أما رباعي على وزن فعيل طيب على وزن فعيل يقول لتصغير ثلاثة أبنية إلى ثلاثة وزن ثلاثة مزيون وهي فعيل على الثلاثي مثلا نجيب pour notre étoile وجبيل من جبل مطل وعبيد من عبد سابيتر وفعيل ça c'est pourquoi le rubaï نحو فنيديك من فندق l'hôtel ودوليهم من درهم c'est monnaie درهم وكتيب من كتاب طيب وشويهد من شهيد ضعفيا وتيمون aussi و فعيل بيائين أي بيائين أي دويا رسول الله فعيل نحو مفيتيح من مفتاح لكلي فنيجين من فنجان سينتاس ودنينير من دينار لدينار لموني هذه الأوزان ثلاثة فعيل فعيل وفعيل ثلاثي رباعي خماسي يقول صاغر الأسماء الآتية واذكر وزن كل منها بعد تسخير donc là il veut que vous redisiez les noms suivants en mettant leur وزن هذا دي غادي ان شاء الله ولد قنديل قنديل c'est quoi C'est une lampe à pétrole. Osfour, c'est un moineau. Ta'an, Marlouf, Khalid, Marlouf, Ja'far. Ja'far, c'est une petite force, un petit ruisseau. Wahimar, Marlouf, Wassalir, Marlouf. La différence. Non. Je crois Ja'far. Un ruisseau. Voyez. ثم يقول تمالين عامة اكزرسيس جينيرو هات مدوالي على الافعال الاتية شغلة اوكيبي يشغل لا يثبت يشغل كما جاء في النص حتى لا اشغلك Mais je crois que tu peux dire Yeshkoul. Alors, des fois tu peux avoir plusieurs haraka. Tu peux mettre le 3, des fois tu peux mettre le fatha, des fois tu peux le kasra, des fois tu peux le tabba. Rocha, escroqué. Mawal Moudalir. Rouchou. L'arbitam. Ghoraba, qui veut dire vaincre, avoir le dessus. Yaghribou. Le kasra. Rahima. Lien parentaux. Relier les liens. Hein? Relier les liens. Là? C'est Rahman Mujahid. Irham. Faza, qui veut dire triompher, gagner. Yafouz. Asa, qui veut dire désobéir. Yarshi. Hein? Yarshi. Non. Fata, qui veut dire échapper, manquer. Yafouzou. Zara, qui veut dire labourer ou. Faire l'agriculture, quoi. Yazra'u. Sabata, qui veut dire se taire. Yasmoto. Naja, qui veut dire échapper à quelque chose. Naja, c'est pas secourir. Hein? C'est pas secourir, hein? C'est échapper à quelque chose. C'est Yanji. Là. Quand tu vois un livre de Douda, sache que c'est un Wawu. Yanjou. Et quand tu vois un livre de Sourah, sache que c'est un Ya, mon Dalia. Hasada, qui veut dire récolter. Yahsoudou. Hak Moudalia, la fal Aatiya. Sajjala, qui veut dire enregistrer, inscrire, noter. Sajjilou. Ata'a, qui veut dire obéir. Nam. Ihtaraba, qui veut dire respecter. Istaghfara. Sabbata, qui veut dire affirmer une chose. Hein? Yassabbitu. Arna, qui veut dire se passer quelque chose. Ou apporter de ses richesses. Ittaqa. Craindre. Avec science. Dans l'idée d'Arna, ittaqa, c'est se préserver une chose. Tu vois? Se protéger une chose. Yattaqi. Istafada, profiter. Istafi. Saddaqa, qui veut dire croire. Amana. Là, en fait, croire, c'est croire un. Croire quelqu'un en ce qu'il dit. Et amana, c'est avoir la foi en quelque chose. Et saddaq, c'est dire la vérité aussi. Non, c'est sans la peste, du coup, de la vérité. Saddaqa, c'est. Comme tu as dit tout à l'heure, Kazabay et Zibou, Kazabay et Kazibou. Next chez. Amana, avoir la foi, on a dit. Ta'akhara. Qui veut dire arriver en retard ou même reculer. Istaikova. Qui veut dire se réveiller. Rayyara. Changer. Ishtaraka. Qui veut dire participer, s'associer. Tatawwa'a. C'est faire une action surrogatoire. Ashraka. Non, m'associer. Adraka, qui veut dire comprendre ou même rattraper. Irtazara, s'excuser. Ta'allama, ma'ana darasa. Ishtaraka, c'est s'associer quelqu'un pour quelque chose. Quelqu'un, mais non, amen. Ashraka, c'est. Faire associer à quelqu'un. Hajjal al-Asmal Atiya, dans le premier des mots suivants. Laïha. Parce que les règlements, laïha. Laïha. Moi, je connais laïha. Amir. Umara. Umara. Oudr. Oudr. Ardor. Dawa. Médicament. Adouya. Adouya. Jaïza. J'ai la récompense. Ou des jawaïs. Silah. Les armes. Ma foum à la Non. Oui. Alhamdulillah.